La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la Terre est-elle une planète exceptionnelle ? Dans l'article de l'encyclopédie qui définit ce qu'il est convenu d'appeler un problème, on lit ces phrases. Problème, en termes de logique, signifie une question douteuse ou une proposition qui paraît n'être ni absolument vraie, ni absolument fausse, mais dont le pour et le contre sont également probables et peuvent donc être soutenus avec une égale force. Ainsi, c'est un problème que de savoir si la Lune et les planètes sont habitées par des êtres qui soient en quelque sorte semblables à nous. C'est aussi un problème que de savoir si chacune des étoiles fixes est le centre d'un système particulier de planètes et de comètes. Fin de citation. Ces lignes datent du XVIIIe siècle. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les scientifiques en ont vu de toutes les couleurs. Il y a plus de 20 ans, ils ont ouvert la chasse aux planètes situées autour d'autres étoiles que le Soleil, par exemple en saisissant les variations de la luminosité de l'étoile observée lorsqu'une planète passe devant elle. C'est ainsi qu'ils ont pu découvrir un très grand nombre d'exoplanètes, dont certaines sont considérées comme potentiellement habitables. Cela signifie grosso modo, mais il faudra y revenir, qu'elles sont situées dans la zone tempérée de leur Soleil, là où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, de sorte que l'eau, s'il y en a, puisse se trouver à l'état liquide, condition nécessaire mais pas suffisante pour que la vie puisse se développer. Mais est-on bien sûr de savoir vraiment dire ce qu'est au juste une planète habitable ? Y a-t-il des raisons de penser que notre Terre est d'une grande banalité astrophysique, avec des clones d'elle-même un peu partout dans l'univers ? Ou bien doit-on la considérer au contraire, comme exceptionnelle, voire unique ? En d'autres termes, et pour faire court, sommes-nous seuls dans l'univers ? Pour espérer répondre à cette question de savoir si nous sommes seuls ou non dans l'univers, je me suis dit qu'il fallait s'y mettre à plusieurs. C'est pourquoi j'ai invité trois personnes. La première est Gilles Rammstein, climatologue. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes déjà venu à la conversation scientifique. Vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et vous intéressez au climat sur des durées très longues. J'ai également invité François Forget, bonjour. Bonjour. Vous êtes planétologue, directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez à l'Institut Pierre-Simon Laplace et vous êtes un spécialiste de la question d'aujourd'hui. On peut le dire comme ça. Parmi d'autres sujets. Voilà. Et enfin, Alice Mounissami, vous êtes journaliste scientifique, bonjour. Bonjour. Et vous expérimentez des nouvelles formes de médiation à travers la mise en récit des sciences et l'écriture collaborative de science-fiction. Et le dernier projet sur lequel vous avez travaillé, c'est la raison de mon invitation, s'intitule « La Terre, un scénario original » où vous retracez les quêtes de l'histoire terrienne au regard de ce que nous apprend l'étude des exoplanètes. Je ne me suis pas trompé ? C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, je vous propose pour commencer que nous rappelions ce qu'on trouve dans le système solaire et je me tourne vers François Forget. Alors on apprend à l'école, enfin... On apprenait à l'école quand j'y étais qu'il existe dans le système solaire quatre planètes telluriques. Telluriques, ça veut dire qu'elles ressemblent à la Terre. Oui. Donc il y a la Terre, il y a Mercure, il y a Vénus, il y a Mars. Alors qu'est-ce que ça veut dire tellurique pour vous ? Ça veut dire qu'elles contiennent des roches ? Oui, en gros, quand on dit cela, c'est une planète rocheuse avec c'est fait une planète essentiellement faite de cailloux, de silicates, avec une atmosphère plus ou moins épaisse au-dessus. Dans le cas de Mercure, il y en a même... Caillou, pour vous, ça veut dire silicate, direct. Caillou est un terme scientifique peu précis, donc c'est une manière d'exprimer l'idée. Essentiellement, oui, toutes ces planètes-là, c'est un cœur, c'est constitué de pas mal de fer et de silicate et plein d'autres choses, mais essentiellement ça. Donc on se retrouve, comme le fer est très dense, il va au centre de la planète faire un cœur, un noyau, et puis on a un manteau de silicate jusqu'à une croûte. Voilà, c'est ce qu'on connaît sur Terre, mais c'est à peu près ce qu'on retrouve ailleurs. Alors, est-ce que vous pensez qu'une planète doit être tellurique, dans le sens que vous venez de définir, pour accueillir éventuellement la vie ? Pas tout à fait, parce que dans le système solaire, et probablement ailleurs, on a quand même une autre catégorie. Alors, tout de suite, après les planètes telluriques, quand on parle de planètes dans le système solaire, on va très vite aux planètes géantes, aux planètes gazeuses, on va dire, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont un petit peu chacune différentes l'une de l'autre, mais enfin, en gros, c'est une grande famille. Et là, c'est vrai que c'est pas évident d'imaginer la vie, parce qu'il n'y a pas de surface. On passe directement d'une énorme atmosphère, une atmosphère qui a une telle pression, qu'on retrouve des choses très bizarres, de l'hydrogène métallique, quand on descend dans cette atmosphère-là. Et c'est pas évident d'imaginer une forme de vie. Alors, faut pas être trop, on va dire chauvin en termes de vie, mais enfin c'est voilà, il faudrait qu'il y ait des espèces de une vie qui se développe au milieu des nuages de ces corps-là, c'est difficile à imaginer. Par contre, et ça c'est important de quand on parle de toute la diversité des mondes du système solaire, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas que les planètes. Il y a d'abord de nombreux satellites, des lunes de toutes ces planètes géantes et d'autres corps, et qui sont des mondes très intéressants. Et parmi ces mondes, il y en a beaucoup qui ne sont pas tout à fait telluriques. Ce sont en fait des mondes constitués avec un épais manteau, non pas de cailloux, mais avec de la glace. Et quand ces mondes sont un peu chauffés, bah, ça fait des océans souterrains. Et on pense maintenant que dans le système solaire, il y a de nombreuses lunes qui abritent des océans d'eau liquide sous leur surface. Et alors, quand si on ajoute à ça une autre population qu'on a récemment découverte, c'est-à-dire les planètes qu'on va dire naines, c'est-à-dire au-delà, en particulier au-delà de l'orbite de Neptune. Alors, il y a Pluton qui est très connu, qui a été longtemps considéré comme une planète à part entière, mais maintenant on a découvert des dizaines. Et ben, on se retrouve avec Pluton a été déclassé. Oui, enfin, ça change rien, hein. C'est pas le... Ce qu'on appelle une planète naine, c'est une planète qui est suffisamment grosse pour être sphérique. Ouais. Mais qui n'a pas de lune. Non, c'est pas du tout ça. Pluton a une lune et quatre satellites. C'est surtout que, rappelons-nous par exemple, la découverte des astéroïdes au début du 19e siècle. Quand on a découvert la première, Cérès, qui est assez grosse, qui est maintenant considérée comme une planète naine, on s'est dit, waouh, on a trouvé une nouvelle planète. Et puis juste après, on a trouvé une deuxième, Vesta, troisième, quatrième. Quand on a trouvé 2000, on s'est dit, mais on a combien de planètes? Alors on s'est dit, bon non, tous ces corps qui sont quand même gros, sphériques, mais qui partagent toute une zone de l'orbite autour du Soleil, on ne va pas dire que ce sont des planètes parce qu'elles sont ensemble, en d'autres termes, pour le dire simplement, une planète, c'est effectivement un corps suffisamment gros pour être sphérique, mais qui doit être un peu tout seul sur son orbite. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres corps comparables. On dit souvent qu'elle doit avoir fait le ménage sur son orbite en étant suffisamment massif. Donc c'est le cas de la Terre. Mais ce n'est pas tout à fait le cas de Pluton, par exemple, qui partage toute cette zone lointaine au-delà de Neptune avec plein d'autres corps, dont certains sont même plus massifs que Pluton. C'est ça qui a amené, de la même manière qu'au XIXe siècle, on avait dû réviser l'idée que les astéroïdes étaient des planètes, et ben on a dû faire la même chose pour Pluton. Quand on a découvert plein de compagnons à Pluton, on s'est dit, bah non, c'est une planète naine. Mais ça change rien. Mais est-ce que vous avez des raisons de penser, François Forget, qu'il existe d'autres planètes naines dans le système solaire que celles que nous connaissons? Ah, j'ai toutes les raisons. Au-delà de Neptune, par exemple. Oui, parce qu'on a, c'est pas si facile que ça de les découvrir. Il y en a qui sont quand même très lointaines. Certaines ont des orbites assez excentriques, c'est-à-dire qu'elles passent un peu de temps près du Soleil et puis toute une partie de leur orbite, de leur existence, très loin. Plus loin. Et à ce moment-là, elles sont dures à détecter. En particulier, on est de plus en plus certain qu'il y a une vraie neuvième planète, pour le coup, bien au-delà de Pluton, très massive, peut-être 10 fois la masse de la Terre, que l'on ne voit pas encore, qu'on n'a pas encore détecté, mais qui semble être présente. Qui a été calculée, c'est-à-dire on déduit son éventuelle présence avec les mêmes méthodes que celles par lesquelles on avait anticipé la découverte de Neptune. Un petit peu, on va dire ça. En gros, ce sont des méthodes, on détecte la présence de la planète, de par les perturbations qu'elle inflige, on va dire, aux petits corps qui orbitent aussi, qu'on arrive à détecter. Alors, on a parlé des planètes telluriques, qui sont celles qui vont essentiellement nous intéresser, puisque contenant des roches, elles sont plus susceptibles que les autres d'accueillir la vie. Est-ce qu'elles ont des climats comparables? Je rappelle leurs noms, Mercure, Vénus, Terre, évidemment, et Mars. Alors non, elles ont pas... Einstein. Elles n'ont pas des climats du tout comparables. D'abord, il y a une très grosse différence entre ces planètes, c'est que est-ce qu'elles ont une atmosphère? Est-ce que, en fait, ce dont vous n'avez pas encore parlé, mais qu'on va sûrement aborder, c'est l'aspect habitable de ces planètes. Puisqu'il faut de l'eau, et ben ces planètes, elles doivent se trouver à une distance du Soleil où il y a possibilité d'avoir à la fois de l'eau sous forme de glace, de l'eau sous forme liquide et de l'eau sous forme vapeur. Donc suivant les emplacements de ces trois planètes, d'abord Mercure, puis Vénus, puis Mars, puis la Terre, leur position et leur éloignement du Soleil font que elles ont un ensoleillement comme cailloux différent. Donc ça c'est une première donnée physique, c'est-à-dire à combien on est de la source de lumière. Donc ça, la Terre est dans une bonne région, mais c'est pas tout. il y a aussi le fait que les températures qu'on a à la surface de ces corps, hein, par exemple Vénus, c'est autour de 450 degrés. Pourquoi ? C'est pas parce qu'elle est plus près du Soleil, c'est parce qu'elle a l'atmosphère extrêmement dense. Et donc, il y a un effet de serre gigantesque. Et avec c'est un vrai. Voilà, avec du CO2, mais pas que du CO2. Hein, plein de gaz à effet de serre extrêmement efficace. D'ailleurs, quand vous regardez Vénus un soir d'été, et que vous montrez à votre femme ou à vos enfants, tiens, regarde cette petite planète orangée là. C'est Vénus. Vous voyez pas Vénus, hein. Vous voyez l'atmosphère de Vénus qui rayonne, la lumière solaire. Et par contre, si vous regardez Mars, elle a un tout petit chouïa de CO2, 6 hectopascales, il fait très froid la nuit, un peu chaud la journée. Moins 4 degrés la nuit, 0 degré dans la journée. Voilà, ça peut monter jusqu'à 20, les bonnes années. Mais en tout cas, la Terre là-dedans, elle a une atmosphère très particulière, et qui est tout à fait liée au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire à la vie. Et ça explique énormément du climat terrestre. Donc on peut déjà conclure que dans le système solaire, la Terre est unique. Ah, absolument, ça c'est avec certitude. Si on prend Mercure, autre planète tellurique dont on a parlé, la température atteint 430 degrés au milieu de la journée. La journée est longue, hein, elle dure 6 mois terrestres. Et moins 220 degrés vers la fin de la nuit. Donc, est-ce que ce critère-là suffit à dire que la vie est impossible ? Alors, en l'occurrence, pour Mercure, et c'est vrai, alors on va déjà distinguer deux choses. La première, c'est de distinguer le fait... Alors on est obligé de revenir en arrière, en fait. Ouais, je reprends. Allons-y. Premier point, qu'est-ce qu'il faut pour la vie ? Alors, parce que là, vous posez des questions invraisemblables, on en a pour des heures à discuter. Alors, on va raccourcir. Première question, qu'est-ce que la vie ? Alors ça, c'est sujet d'une autre émission. Et donc, on a plein de définitions possibles. On va faire simple. La vie telle qu'on peut, qu'on la connaît sur Terre, mais surtout telle qu'on peut l'imaginer... On va dire que c'est une vie chimique qui se reproduit, etc. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. Surtout, qu'est-ce qu'il faut pour la vie ? Il y a aussi plein de choses qui ont été abordées. Mais pour faire très simple, la vie telle qu'on la connaît sur Terre, c'est une vie qui s'appuie sur la chimie du carbone en solution dans l'eau liquide. On essaye de ne pas être trop focalisé là-dessus, de ne pas être trop à nouveau chauvin. Mais en fait, on a du mal même à imaginer une chimie qui aurait une richesse ne serait-ce que 1% comparable à la chimie du carbone en solution dans le liquide. Même la chimie du carbone en solution dans autre chose, par exemple, je sais pas, du méthane liquide, c'est quelque chose qu'on peut trouver sur un satellite de Saturne qui s'appelle Titan. Eh bien, c'est pas du tout les mêmes conditions pour faire de la chimie. Indépendamment de la vie, c'est beaucoup plus riche de faire de la chimie avec du carbone dans l'eau liquide. Résultat, pour faire simple, comme sur Terre, partout où il y a de l'eau liquide, il y a de la vie active. Et quand il n'y a pas d'eau liquide, il n'y a pas de vie active. On est arrivé à une conclusion un peu standard, un peu basique, qu'on essaye parfois de remettre en question, mais qui est, pour qu'il y ait de la vie, pour qu'un environnement soit propice à la vie, il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Et donc, tout de suite, ça devient un problème de physique. Mais de l'eau liquide, il soit soumise au rayonnement de l'étoile. Alors, c'est ça. Déjà, on arrive à la... Si l'océan est enfoui, est-ce que le critère devient suffisant ? Eh bien, en fait... Quelque part, il n'est pas nécessaire que l'eau soit exposée au rayonnement du soleil, par exemple, ou de l'étoile. On peut tout à fait imaginer, et c'est le cas sur Terre, mais ça pourrait être le cas ailleurs, qu'à partir du moment où la vie a accès à de l'eau liquide, enfin disons de la chimie du carbone a accès à de l'eau liquide, mais aussi à des sources d'énergie chimiques, par exemple, imaginons au fond d'un océan, sur Terre, mais aussi par exemple sur Europe, satellite de Jupiter, eh bien vous avez un océan qui est au-dessus d'un manteau rocheux avec du volcanisme. Et donc là, on sait que sur Terre, et comme partout, la vie peut profiter de l'apport chimique de ce volcanisme pour être très active, en fait. Le vrai problème, c'est que notre vision maintenant de la vie est complètement biaisée par l'idée qu'on a envie de la détecter, notamment autour des autres étoiles. Et on sait que détecter une vie qui serait dans un océan sous une épaisse couche de glace, déjà dans le système solaire, c'est extrêmement difficile. Il pourrait y avoir de la vie sous la surface de Europe, une surface glacée. Mais déjà, même nous, dans le système solaire, on n'arrive pas... C'est une enquête très très difficile. Il faut faire du forage ou je ne sais quoi. Alors, autour des étoiles, vous imaginez bien. Résultat, comme on sait que sur Terre, la vie, grâce à l'énergie considérable apportée par le rayonnement solaire, c'est-à-dire la photosynthèse, a pu profiter de cette énergie pour modifier énormément de chimie et modifier l'environnement dans une mesure détectable, par exemple sur la Terre, bah, vous savez, vous avez une atmosphère riche en oxygène, ça c'est uniquement, comme vous le savez, la conséquence de la photosynthèse, puis il y a plein de méthane, il y a plein de gaz qui ne devraient pas être là, si vous voulez, s'il n'y avait pas la vie. Résultat, on se dit, on a un peu simplifié nos hypothèses, et on se dit, ce qui nous intéresse vraiment, notre critère, non pas absolu pour l'existence de la vie, mais pour l'existence d'une vie détectable, c'est d'avoir de l'eau liquide à la surface, idéalement des océans. Voilà où, pourquoi on en arrive là. Mais on est conscient quand même qu'il pourrait y avoir de la vie sous la surface des lunes ou des planètes glacées, riches en glace. Mais par contre, ça serait moins facilement détectable. Très, très donc difficile pour l'instant, on l'oublie. Un peu. Et là, vous venez de François Forget de donner une condition pour que la vie apparaisse. Une condition nécessaire, peut-être pas suffisante. Est-ce que, dès lors que cette condition nécessaire est réalisée, on comprend l'apparition de la vie éventuelle, mais aussi le fait qu'elle dure pendant des milliards d'années et peut se développer comme elle l'a fait sur Terre. Qu'est-ce qui, sur la Terre, a fait que la vie est apparue et surtout a pu se maintenir pendant plusieurs milliards d'années? Question incroyablement difficile, à laquelle je vais répondre de manière très simple, on n'en sait rien. Gilles Rammstein, vous êtes d'accord pour dire que vous n'en savez rien? Oui, je suis assez humble sur ces questions, mais je pense que moi, je n'ai pas la réponse à la question, mais je pense qu'on sait beaucoup de choses. C'est-à-dire que je n'ai pas la réponse, mais on a beaucoup, beaucoup de pistes. Par exemple, le fait que les océans, ce que les auditeurs ne savent pas forcément, se sont mis en place suite à une pluie d'astéroïdes, certainement, sur la planète Terre, mais certainement aussi sur ses voisines, très rapidement. C'est-à-dire que le système solaire, c'est 4,6 milliards d'années. Bah, très rapidement, la Terre a été couverte d'océans. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pluie d'astéroïdes. Et à partir de là, on sait aussi que, et ça, peut-être que ça va reculer dans les années qui viennent, mais aujourd'hui, on sait qu'à partir de 3,7 milliards d'années, c'est-à-dire vraiment quand même assez tôt dans l'histoire de la Terre, il y a de la vie dans ces océans. Et d'ailleurs, la vie sur Terre, elle va essentiellement se passer dans les océans, parce que une chose qu'on ne sait pas trop, c'est que la vie terrestre, comme nous la connaissons, elle est apparue il y a simplement 375-400 millions d'années. C'est-à-dire la biosphère terrestre. La Terre, si vous voulez, elle a connu plusieurs couleurs et des changements atmosphériques colossaux. Donc plusieurs couleurs. Elle a même été orange. Voilà. Elle a même été. Ça, c'est un truc que je voulais pas dire parce que ça, c'est compliqué. Mais elle a été bleue, comme je dis, toute bleue. Elle a été bleue comme une orange. Elle a été bleue comme une orange. Mais elle a été aussi orange. Mais en tout cas, elle a été bleue pendant près d'un milliard d'années avec pas beaucoup de continents, pas de masse continentale. Les continents, ça date d'à peu près 3,5 milliards d'années. Donc la Terre, elle a été bleue et marron, comme on la connaît aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, il y a du vert. Mais le vert, il est arrivé très tard. Il est arrivé, comme je vous l'ai dit, la biosphère terrestre, les continents plutôt verts, bah c'est arrivé très tard. Donc on sait énormément de choses sur notre propre planète, énormément de choses qui dépendent d'énormément de processus. Et par exemple, comme François disait, l'atmosphère terrestre, pour des extraterrestres, ce serait effectivement la preuve de la vie, on pourrait le démontrer. Le contenu atmosphérique, il est lié à l'existence de la vie, comme beaucoup d'autres choses qu'on peut déterminer. Donc nous, on saurait très bien diagnostiquer la vie sur notre propre Terre. Si on était des extraterrestres, on saurait comment faire. C'est plus compliqué pour les autres planètes. Alice Moulissami, vous êtes journaliste scientifique, vous avez présenté de cette façon. Vous avez travaillé à ce projet de web collaboratif qui s'intitule « La Terre, un scénario original ». Alors qu'est-ce que vous inspire les discussions que nous sommes en train d'avoir? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet qui consiste à essayer de voir comment notre conception de la vie est modifiée par la découverte des exoplanètes? Alors, tout simplement parce que je suis entrée dans un laboratoire d'astrophysique et j'avais ce sujet des exoplanètes à traiter avec une forme libre. Et je me suis donc lancée un peu à corps perdu dans le catalogue des exoplanètes. Au bout de 3600, je me suis dit, bon, alors, c'est quoi leur problème? Il y en a combien qui sont détectés aujourd'hui officiellement? Un peu plus de 3600, c'est ça ? Presque 4000, mais c'est pas ça qui est très important finalement. Ce qui est important, et c'est une révélation assez récente, c'est qu'en utilisant ces 4000 observations qui ont des biais, qui ont chaque étoile présente certaines difficultés pour détecter une planète autour, c'est surtout que statistiquement, on a pu démontrer que la grande majorité, presque toutes les étoiles de notre galaxie sont entourées de planètes et la plupart de planètes rocheuses type terrestre. Donc ça, c'est une vraie révolution qui surprend personne, parce que tout le monde est habitué de voir ça dans Star Wars, mais on ne le savait pas du tout il y a encore quelques années. Et donc la vraie révolution, ce n'est pas les 4000, c'est les 200 milliards. Oui. Alors, pour finir sur votre expérience, Alice, Qu'est-ce qui vous a amené à étudier ces questions? Et donc, effectivement, plus j'entrais dans cette enquête sur les exoplanètes, je me disais, mais alors la Terre est-elle banale ou est-elle originale? Et il y avait toujours cet aller-retour, finalement, à se dire, nous, en tant qu'êtres humains, avec notre intelligence nos moyens d'observation, on est en fait des observateurs privilégiés, et voire ambigus, parce que ce qu'on découvre est... toujours original finalement, et le fait que finalement nous faisons partie du système Terre, hein, et nous le modifions, nous le menaçons, et finalement nous en connaissons une histoire extrêmement longue par rapport aux autres exoplanètes, et donc de facto notre vision de l'originalité de la Terre est complètement trompeuse. Vous dites qu'elle est biaisée par le fait qu'on connaît très bien la Terre et pas du tout les autres. On la connaît très bien et on en fait partie, et on a la quête des exoplanètes, elle projette énormément de fantasmes sur nous-mêmes finalement, et sur ce que l'on pense être le vivant, la manière dont on se représente l'univers et ce qu'on peut y trouver. À la fois, on est passé d'une représentation très géocentrée où l'être humain était au centre de l'univers, puis avec la Renaissance, mais aussi même dès l'Antiquité, on a compris qu'il était possible, il était probable que les autres étoiles soient entourées de planètes, et finalement qu'il n'était pas imaginable qu'il n'y ait pas d'autres êtres vivants ailleurs dans cette infinité d'autres planètes. Et finalement, la question que je me suis posée, c'est le vivant, qui est un peu la signature de l'originalité de la Terre, est-elle finalement unique? Et la description la plus profonde de ce qu'est le système terrestre. Mais en fait, c'est cette question qui va nous occuper pendant la suite de l'émission. Mais avant, on doit passer un morceau de musique. C'est la règle. On va commencer par celui choisi par François Forget. De quoi s'agit-il? Juste le titre, après on commentera. Ah, c'est For the Dancer on the Eye, je crois, de Émilie Simon. Forget, c'est votre choix. De quoi s'agit-il? Alors, c'est une musique qui avait été composée pour le film La Marche de l'Empereur, qui parle des régions polaires sur Terre. Et je trouve que moi, j'ai une passion professionnelle pour l'exploration du système solaire, des exoplanètes, et aussi de l'exploration générale, en particulier des régions polaires. Alors, c'était une petite signature à ça. Et il y a une autre raison, c'est que j'aime beaucoup la radio aussi. Je suis assez radiophile, j'aime beaucoup écouter les émissions de radio. Et ça tombe bien. Et ce morceau a été utilisé pour faire, en l'entrecoupant avec des extraits de films, pour faire un des plus beaux génériques de l'histoire de la radio, à mon avis, à mes oreilles. C'était une émission de Marie-Pierre Planchon sur France Inter il y a quelques années, qui parlait pas d'astrophysique, qui parlait d'amour. Et c'était, voilà, c'est comme ça que je l'ai connu particulièrement. Bien joué. Alors, on a parlé des planètes telluriques du système solaire, et on a dit juste avant le passage de cette musique qu'il en existait sans doute des millions, peut-être des milliards d'autres dans l'univers. Est-ce qu'on comprend comment elles se sont formées, ces planètes telluriques, dans le système solaire? Est-ce qu'elles ont le même âge? Alors oui, c'est ça qui est très impressionnant. Dans le système solaire, en fait, faut imaginer, on se met il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années. Au départ, tout ce que vous pouvez imaginer, les atomes qui sont dans votre cerveau, flottent dans une nébuleuse, dans un nuage de gaz, et tout d'un coup, il va y avoir cet effondrement qui va essentiellement créer le soleil, toute la matière, et presque toute la matière va aller s'accumuler dans une boule qui va être tellement dense que ça va démarrer, s'allumer comme une étoile, mais il y a un peu de matière qui va rester autour. S'allumer au sens des interactions nucléaires. Absolument, absolument. Et autour, il va y avoir une espèce de disque de gaz, puis de poussière, et tout ça va s'accréter, c'est assez compliqué, on ne comprend pas encore tout. Ce qui est sûr, c'est que tout ça s'est fait assez vite. Ce qui s'est fait très vite d'abord, c'est la formation en particulier de Jupiter, les grosses planètes, et puis assez rapidement, en quelques millions d'années, on a sur l'échelle donc de 4 500 millions d'années. Oui, j'aime bien quand vous dites assez rapidement, en quelques millions d'années. Oui. on a tout le monde qui se forme en même temps, quoi. Et ce que je dois ajouter, puisque c'est un peu le sujet de jour, c'est que si on avait eu cette discussion il y a encore 25 ans, très fièrement, j'aurais pu raconter qu'on comprend tout, c'est-à-dire que, eh bien, près du soleil, il faisait chaud, il y avait très peu de... Toute la vapeur d'eau était sous forme de vapeur, elle était expulsée au loin, il ne restait plus que les cailloux, les roches, qui ont formé donc les planètes telluriques. Au-delà d'une certaine ligne où il commençait à faire froid, là, l'eau était sous forme de glace, donc il y avait beaucoup plus de masse disponible, ça fait des gros noyaux massifs qui ont pu accréter et garder, grâce à leur force gravitationnelle, tout l'hydrogène qui était là, et donc former les planètes géantes. Voilà l'image qu'on en avait, tout était simple. Et puis d'un coup, en 95, on a découvert une première planète, un premier système exoplanétaire. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Une planète géante, mais juste à côté de son étoile, à l'intérieur de Mercure. Et là, en quelques mois, il a fallu tout remettre à plat et se rendre compte que le système solaire, cette simplicité que l'on voyait dans le système solaire n'était pas du tout typique. Les observations qui ont suivi ont montré que le système solaire n'est pas du tout typique. Il y a des planètes géantes partout, il y a des énormes terres, il y a des mini-Neptunes, il y a un continuum entre les planètes telluriques. Donc c'est une découverte qui a augmenté votre ignorance. Mais comme beaucoup de découvertes. Donc c'est ça les vraies découvertes. Oui, mais elle a quand même conduit très rapidement, de manière tout à fait impressionnante, même dans l'histoire de la recherche, de la science, beaucoup des spécialistes de prendre leur stylo, refaire leurs calculs, et tout ce qui a été écrit à cette époque-là est vraiment très intéressant. On a compris que les planètes, une fois formées, ou alors quand elles étaient en train de se former, ne se formaient pas. Elles ne restaient pas toujours là où elles étaient, elles migraient dans tous les sens, il y avait des résonances, elles pouvaient bouger. Et puis surtout, encore une fois, c'est cette diversité des planètes qui surprend. Cette classification, les planètes rocheuses comme la Terre, les planètes géantes d'autre part, maintenant on n'en est plus trop sûr. On pense qu'il y a vraiment tout un continuum entre les deux, qui n'existe pas dans le système solaire, mais qui existe ailleurs et qui est source de nombreuses interrogations. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Gilles Rammstein, je disais dans mon introduction que les scientifiques en ont vu de toutes les couleurs, mais il n'y a pas que, il y a aussi la Terre. Elle n'a pas toujours eu l'aspect bleu que nous lui connaissons aujourd'hui. Il lui est arrivé d'être orangé, même tout à fait orange, comme Titan, le plus gros satellite de Saturne, qui a une atmosphère riche en éthane et en méthane. Il lui est arrivé d'être blanchâtre, comme Encelade, un autre satellite de Saturne, qui a une surface froide et complètement gelée. Ou comme Europe, un satellite de Jupiter dont on a déjà parlé. Comment est-ce que vous expliquez, vous, qui est climatologue, ces changements de couleur? Alors, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. En fait, il y a le système physique dont on a parlé, la boule rocheuse dont on a parlé, et puis il y a toute l'atmosphère, et en quoi cette atmosphère est liée vraiment à la physique et va donner une couleur à la Terre. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, pendant le premier milliard d'années, avant que les continents se mettent en place, que la tectonique commence, ben, la Terre, si vous étiez un extraterrestre et que vous passiez par là, vous l'auriez vue bleue. Essentiellement bleu, avec des petits atolls rocheux, volcaniques. Si vous étiez passé un milliard d'années plus tard, à 3,5 milliards d'années, les continents commençaient à se mettre en place, et là, vous auriez vu une Terre qui était un peu comme la nôtre, c'est-à-dire avec des nuages, du blanc, du marron et du bleu. Et effectivement, elle a été, mais pendant très peu de temps, c'était extrêmement éphémère à l'aune de 4,6 milliards d'années, elle a été pendant peut-être un moment couverte d'une brume, c'est ce que des chercheurs ont découvert il y a quelques années, parce que dans l'atmosphère terrestre, et pour que la Terre reste hors de glace, parce que évidemment, si vous n'avez pas d'atmosphère sur une petite planète comme la Terre, parce qu'aujourd'hui, on voit tout ça, pour nous c'est immuable, mais ça a beaucoup changé. Par exemple, le Soleil, c'est un réacteur nucléaire, comme vous le faisiez remarquer, Étienne, tout à l'heure. Et ce Soleil-là, il augmente de 7% par milliard d'années. Sa luminosité, pas sa taille. Exactement, pas sa taille. Sa luminosité. Et ça, c'est extrêmement important, parce que 99% de l'énergie qu'on utilise sur Terre vient du Soleil, hein, même plus. Et donc, quand le Soleil était jeune, un petit calcul que je pense que tous les auditeurs de France Culture savent faire, 7% par milliard d'années, ça fait à peu près 30% il y a 4,6 milliards d'années. Bon, le Soleil était beaucoup plus blême. La Terre aurait dû, toutes choses égales par ailleurs, s'englacer, être toute blanche. Exactement comme les satellites dont parlait François, Europe, Encelade. Et pourtant, sur Terre, parce qu'on connaît beaucoup de choses sur la vie de la Terre, on sait que c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé parce que la Terre a une atmosphère. Et cette atmosphère, vous voulez dire qu'elle a jamais été intégralement recouverte de glace? Elle a été recouverte de glace. Presque intégralement recouverte de glace, mais pendant des épisodes extrêmement brefs de son histoire, c'est ce qu'on appelle la Snowball Earth. Et ça, c'est toute une autre histoire qu'on la pourrait raconter. Mais il se trouve qu'effectivement, vous avez raison, si un extraterrestre était passé il y a à peu près 700 millions d'années, il aurait pu voir une Terre blanche. Et pourquoi la Terre, elle a été blanche? Parce que justement, pour des raisons physiques et tectoniques, le CO2, qui en fait aujourd'hui est un problème majeur pour l'homme, pour les 9 milliards d'hommes qu'on sera en 2050, a pendant des milliards d'années, sans doute avec son acolyte le méthane, protégé la Terre d'un englacement qui était lié au fait de la faiblesse du Soleil. Et donc, l'atmosphère terrestre, on ne peut pas dire qu'elle est vivante, même sans l'homme, mais physiquement, plein de processus font que l'atmosphère terrestre, pendant des années, nous a protégés, et dans l'englacement. Et non seulement ça, mais aujourd'hui, on a l'impression que des calottes de glace, il y en a toujours eu. Le Groenland, l'Antarctique paraissent immuables. Alors qu'en fait, si on regarde à l'échelle géologique, eh ben, des calottes de glace, c'est plutôt rare sur Terre. En général, sur Terre, il fait chaud et beau. Et par exemple, les hommes sont nés dans un climat plutôt froid, avec d'abord une seule calotte de glace en Antarctique, qui date de 34 millions d'années. Donc par rapport à Toumaï, même si on remonte au plus ancien de nos ancêtres, c'est 7 millions d'années. Et puis une deuxième calotte au Groenland, qui s'est installée il y a 3 millions d'années. Donc l'homme, il a vécu dans un atmosphère plutôt froid. Mais les dinosaures, qui ont une longévité bien plus grande, enfin nous, entre 250 et 65 millions d'années, donc la plupart du temps, les dinosaures n'avaient même pas idée de ce qu'était une calotte de glace. Pourquoi? C'est tout simple, en fait. C'est parce que des calottes de glace, pour qu'il y en ait, il faut deux choses. D'abord, il vaut mieux qu'il y ait des continents en position polaire, parce que sinon, c'est difficile de faire une calotte de glace dans les pôles s'il n'y a pas de terre. Donc ça, c'est une première chose. Et à cause de la tectonique, ben, c'est pas toujours le cas. Et une deuxième chose qui est assez fondamentale, c'est le CO2. Si le CO2 est trop élevé dans l'atmosphère, et ben, c'est l'effet de serre, il fait trop chaud. Et toute la neige qui tombe l'hiver, et ben, elle fond l'été. Et il n'y a pas de possibilité d'accumuler. Donc le CO2, il a marqué toute l'histoire de la Terre pour des raisons qui sont très liées à la tectonique, c'est-à-dire à des choses purement physiques, mais aussi, plus récemment, à la vie. Et donc, pour répondre à votre question, les couleurs de la Terre, elles sont essentiellement marquées, depuis 500 millions d'années, par la vie, l'évolution de la vie, et le vert de la Terre, si vous voulez, la couleur verte, elle est liée à la profusion de la vie qui s'est développée assez tardivement sur Terre et qui a énormément évolué. Et c'est ça aussi qui est l'apport peut-être du climat et du fait qu'on a la chance de vivre sur cette extraordinaire planète, qui est de toute façon certainement unique, c'est le fait qu'on connaît beaucoup de choses et qu'on se rend compte à quel point la stabilité de cette planète climatique, j'entends le fait qu'il fasse bon, que les températures, qu'on parte pas en vrille, soit vers le froid comme un peu sur Mars, soit vers le chaud comme Vénus, c'est très lié à des processus physiques et biologiques qui nous ont permis, pas nous les hommes, hein, mais la vie, avec les sauriens, puis les dinosaures, puis les mammifères, de continuer la vie sur cette planète. Avant de donner la parole à Alice, mon ami qui veut commenter ce que vient de dire Gilles Rammstein, nous allons écouter le deuxième morceau de musique qui a été choisi par Alice, justement. Standing there alone, Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, send me up a drink. Joke's major tone. The count goes on. Four, three, two, one, Alice Mounis-Amikel, et cette musique venue d'ailleurs. Alors, c'est une réponse à David Bowie, que par ailleurs j'affectionne beaucoup, donc sa chanson Space Oddity, où on apprend que Major Tom perd la connexion avec le segment sol et son vaisseau spatial dérive. Et dans cette chanson, en fait, on a la mise en scène justement de cette dérive et justement de l'expérience côté. De l'astronaute dans cette dérive où il sait qu'il va plus jamais retrouver la Terre et donc finir par faire un voyage infini dans l'espace. Ça vous inspire ? Ça vous tente ? Quelle question ça pose ? Alors, en relation avec notre sujet. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Alors, ce qui est intéressant, c'est justement dans l'expérience de science-fiction collaborative que j'avais menée sur l'originalité de la Terre, nous avions, donc avec Estelle Fay, l'auteur de science-fiction qui nous avait accompagnés, posé l'histoire d'une expédition qui allait voir une nouvelle Terre où on avait a priori trouvé la signature de l'eau. Et donc les internautes, les lecteurs qui ont pris connaissance du web documentaire qu'on avait formé sont tous partis dans une exploration de ces multiples terres avec l'hypothèse d'y trouver forcément de la vie, d'avoir des difficultés à la comprendre, à la détecter, à s'imaginer autre chose. Finalement, ça réverbère sur aussi ce que la science nous donne à comprendre de ce qu'est le vivant. La difficulté de caractériser quelque chose qui serait en dehors de justement cette chimie carbonée, d'imaginer donc trouver autre chose, sachant que tous nos instruments finalement ils ont été calibrés, pensés pour trouver ce qu'on avait envie de trouver finalement. La vie telle qu'on la connaît. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en tant que qu'écrivains, en fait, ils se sont tous mis à la place de ces scientifiques en expédition qui, forcément, allaient faire des découvertes exceptionnelles en allant chercher du vivant ailleurs, en allant explorer sur place. Parce que finalement, la seule planète sur laquelle on n'ait jamais marché, c'est la planète Terre. Et alors, que va-t-il se passer si on foule le sol d'une autre planète? La question que je voulais poser à Jill Rammstein par rapport à son intervention précédente, c'était donc certes la planète Terre, nous la connaissons, nous connaissons à peu près son histoire sur les 4 derniers milliards d'années, on va dire, et le vivant est arrivé sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Donc malgré les englacements, malgré des climats qui pouvaient être extrêmes pour le vivant tel qu'on le connaît aujourd'hui, comment cela se fait-il que le vivant ait persisté malgré toutes ces perturbations et ces grands accidents ? Merci. Moi, je peux essayer de répondre à cette question-là. En effet, c'est tout à fait extraordinaire parce que sur notre planète, on a beaucoup de choses qui nous permettent de savoir ça. Pourquoi la Terre, par quel miracle en quelque sorte, la Terre... Est-ce que c'est un miracle d'abord ? Que la Terre ait pu passer 4 milliards d'années en portant de la vie. Et pour moi, je ne crois pas au miracle. Et pour moi, comme scientifique, il fallait que je comprenne ça, qu'on comprenne ça. Donc moi, je contribue un petit peu, comme climatologue, à comprendre du point de vue du climat pourquoi, finalement, compte tenu de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, il y a toujours eu de l'eau liquide, ou presque, sur Terre. Toujours eu de l'eau liquide. Et qui était donc favorable à la vie. En sachant que la vie était essentiellement dans les océans. Eh bien, parce que sur Terre, il y a une régulation qui fait que les précipitations à la surface du globe, les températures vont évoluer dans une petite fenêtre. Alors, il y a plein de choses qui sont très compliquées, on est sur un système très compliqué, et une chose que donc je ne vais pas pouvoir expliquer ça en deux minutes, mais je vais vous donner deux exemples. D'abord, quand vous êtes un extraterrestre et que vous approchez de la Terre, vous allez voir que, forcément, elle est un peu différente de Mars, elle est plus grosse, elle est différente de Vénus, qui est un peu plus rouge, mais surtout, la Terre, elle a un gros compagnon. Et ce gros compagnon-là, la Lune, il a une implication astronomique, c'est qu'il va permettre à l'obliquité terrestre, c'est-à-dire à l'axe qui est entre les pôles et le plan dans lequel la Terre se meut, eh ben, cette obliquité-là, elle va être figée un peu. Elle va bouger, mais dans une petite fenêtre. Et ça, c'est très important. Donc la Lune joue un rôle de stabilisateur. La Lune joue un rôle de stabilisateur sur l'obliquité terrestre et donc sur le climat. Et d'ailleurs, chose assez amusante, cette inclinaison, là, l'obliquité en grec, ça se dit justement climat. Donc c'est pour vous dire que déjà d'emblée, il y a une différence importante. Alors vous allez me dire, bon d'accord, mais mon collègue qui est en face, là, François Forger, avec un autre collègue qui s'appelle Jacques Lascar, ils ont montré que par exemple sur notre voisine, Mars, eh ben sur Mars, il n'y a pas, comme vous le savez, de Lune, il y a deux petits cailloux, l'obliquité n'est pas figée, et que sur Mars, eh ben comme l'obliquité n'est pas figée, François a montré avec un modèle martien, moi je travaille avec des modèles terriens de climat, mais lui, rien ne lui fait peur, et il a montré que, à partir de calculs qu'un autre gars qui s'appelle Lascar avait fait, de changement d'obliquité martienne, eh ben qu'on pouvait expliquer pourquoi on voyait des roches striées sur Mars, à cause du fait que les calottes se déplaçaient. Donc vous voyez que, déjà la Terre, elle a cette espèce de spécificité d'avoir un compagnon. Et puis la Terre, sur elle, alors que ça n'existe pas sur d'autres planètes, eh bien les continents bougent. C'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Et cette tectonique des plaques-là, elle a un rôle stabilisateur parce qu'elle va changer le CO2 atmosphérique, pour des raisons qui sont compliquées, qu'il faudra toute une émission pour expliquer. Mais le fait que sur Terre, il y ait ce moteur de la tectonique des plaques, ça va permettre, grâce aux échanges de gaz entre la surface et l'atmosphère, de réguler le taux de CO2 dans l'atmosphère et donc la température. Et donc, de façon tout à fait extraordinaire, pendant toute l'histoire de la Terre, le CO2, ou presque toute l'histoire de la Terre, le CO2 a permis de réguler la température sur la Terre. Ce qui nous fait arriver petit à petit à un autre point, c'est que la dérégulation qu'on fait aujourd'hui de ce même CO2 pour nos besoins, eh ben, va changer considérablement le climat et l'hydrologie à la surface de la Terre. Et alors, tout si ça a une certaine logique. Si je comprends bien, Gilles Rammstein, vous nous avez expliqué que l'ensoleillement, donc la lumière envoyée par le Soleil, a énormément varié pendant les derniers milliards d'années, puisque le Soleil il a une activité qui dépend du temps, qui évolue, et que malgré cela, la Terre a pu garder les conditions de maintien de la vie grâce à son atmosphère. Essentiellement, oui. Voilà. Et grâce à des choses. Mais ouais. Cet équilibre est fragile, vous l'avez dit, et puis il est lié à des paramètres comme la présence de la Lune qui sont pas le lot de toutes les planètes telluriques. Oui. Maintenant, je sais que François Forger a fait des calculs qui montrent que si, dans l'expérience de pensée, on rapprochait la Terre du Soleil de 5%, évidemment, elle serait plus chaude et l'atmosphère serait à des températures telles que l'eau liquide ne pourrait plus se maintenir en surface. Si inversement, on éloigne la Terre du Soleil, par la même expérience de pensée dans l'autre sens, là, au contraire, elle va se recouvrir de glace. Et donc, comment est-ce qu'on met ensemble ce qu'a dit Gilles avec ce que je viens de dire à propos de vos calculs, Gilles Forger, à savoir que cet équilibre a l'air d'être très dépendant des conditions réelles dans lesquelles nous sommes. Oui, c'est vrai que si on fait l'expérience de pensée, on peut même dire une expérience dans un ordinateur avec un simulateur numérique du climat, on prend la Terre, on l'approche un tout petit peu du Soleil, Terre et n'importe quelle planète qui aurait un océan, on va avoir des problèmes. La raison physique, elle est assez fondamentale et simple. S'il y a de l'eau liquide côté jour, le Soleil ou l'étoile chauffe cet océan, cet océan va s'évaporer, il y aura beaucoup de vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre, ça va se réchauffer. Il y a une rétroaction positive, bref, un emballement. Il va faire de plus en plus chaud. Il suffit de bouger de 5% pour que tous les océans de la Terre se vaporisent et que ce sera la fin du monde, quoi, si on fait ça. Inversement, si on déplace la Terre dans l'autre sens, ce que vous venez de dire, ben, tout va être englacé, la neige, la glace réfléchissent beaucoup plus fortement le rayonnement du soleil, il va faire beaucoup plus froid, et hop, on se retrouve avec une Terre qui va avoir une température à moins 80 un peu partout. Je résume, la Terre est exactement là où elle doit être pour qu'on soit là. C'est l'impression qu'on a eue quand on a commencé à faire ces calculs. Et on s'est dit, bah donc ça va être très très difficile d'être toujours exactement au bon endroit. Et ce, d'autant plus que, comme le soleil, la luminosité du soleil varie, comme l'a expliqué Gilles, cette petite zone très étroite se déplace. Alors là, on s'est dit, bah non, c'est pas possible, parce que comme la zone se déplace, la Terre, elle, n'a pas bougé. Les planètes ne bougent pas beaucoup. Il y a un mystère. Et ce mystère qu'on appelle le paradoxe du soleil jeune. Eh bien, la solution, elle vient d'être expliquée, en fait. C'est juste qu'il a fallu que la Terre adapte son atmosphère. Effectivement, si elle est trop loin du soleil, eh bien, elle va s'englacer, sauf si son atmosphère est plus riche en gaz à effet de serre. Bref, si l'effet de serre peut contribuer à réchauffer la planète. Oui, mais quand vous dites elle adapte, c'est comme si elle avait une intention de nous garder. Bah, c'est sûr que les mots sont dangereux. Mais en l'occurrence, on l'a pas vraiment évoqué. Encore une fois, on a démontré que des phénomènes géophysiques liés au recyclage du CO2 par les volcans et le rôle que joue l'eau liquide dans ce système font que s'il y a plus d'eau liquide, eh bien le CO2 s'accumule dans l'atmosphère, ce qui fait que s'il fait trop froid parce que toute l'atmosphère est gelée, toute l'eau est gelée, eh bien le CO2 va s'accumuler dans l'atmosphère jusqu'à ce que l'effet de serre soit suffisant pour que de l'eau liquide se reforme. Ce principe-là a pour conséquence que, oui, on a l'impression que la Terre s'est adaptée pour maintenir à sa surface des océans pendant 4 milliards d'années. Et la grande question, tout de suite on y vient et on ne connaît pas encore la réponse, c'est est-ce que tous ces mécanismes-là qu'on a identifiés sur Terre sont-ils très communs, sont-ils très universels, au contraire exceptionnels? C'est bien le sujet de l'émission. Ça va être la question qu'on posera à la fin, mais là, sans pouvoir dire que la Terre est vraiment une intention, parce que je sais que Gilles Rammstein, lui, il en a une qui était de passer un certain morceau de musique que nous allons écouter. Ça se passe en l'an 3000, sur Terre notre paradis. Ça se passe en l'an 3000, et mon fils a grandi. Dis papa, raconte-moi, toi qui l'as connu, toi qui l'as vécu, la vie d'avant. D'avant maintenant, dis comment c'était fait un arbre. C'était en pierre ou bien en marbre? Est-ce que c'est vrai que ça vivait? Est-ce que c'est vrai que ça fleurissait en rouge, en vert, en bleu, en blanc et même? Que ça s'appelait le printemps. Ça se passe en l'an 3000, sur Terre notre paradis. Ça se passe en l'an 3000, et mon fils a grandi. Dis papa, raconte-moi, toi qui l'as connu, toi qui l'as vécu, la vie d'avant maintenant. Dis comment c'était lorsque tu aimais ma mère. L'amour c'était comme en naguère. Est-ce que c'est vrai qu'elle te disait je t'aimerai toujours, toujours? Apprends-moi, veux-tu, la douceur perdue des larmes, comme quand t'avais le mal d'amour. Ça se passe en l'an 3000, sur Terre notre paradis. Ça se passe en l'an 3000, et mon fils a grandi. Dis papa, raconte-moi, Toi qui l'as connu, toi qui l'as vécu, la fille d'avant, d'avant maintenant, qui est le cœur pur qui a marqué sur le livre ceux qui auraient le droit de vivre, qui donc savait, qui décidait le mal, le bien. Tu ne dis rien, qu'as-tu fait alors pour tromper la mort? Dis vite, je veux pouvoir t'aimer encore. Ça se passe en l'an 3000, sur terre notre paradis. Ça se passe en l'an 3000, et mon fils m'a maudit. Gilles Rammstein, Lenny Escudero, l'an 3000. Bon, alors, cette chanson, je l'ai choisie pour plein, plein de raisons. Ça pourrait notre faire une terre, émission. D'abord ça. Notre paradis. C'est ça. Et ensuite, surtout parce que j'ai grandi comme ça, parce que c'était le chanteur préféré de ma mère. Donc, j'entendais ses chansons. Et cette chanson-là, sans doute qu'elle a pénétré un peu mon inconscient. Je devais avoir 10, 12 ans, 15 ans. Et après que je l'ai réécoutée, par hasard, il y a quelques années, je me suis dit, mais c'est marrant, cette chanson. Elle résume beaucoup de choses que je partage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Et puis aussi, qu'est-ce qu'on va faire de notre planète? Et est-ce qu'on doit agir, finalement, pour pas, vis-à-vis de nos enfants, avoir finalement un peu, c'est ça la chanson, un peu honte de ce qu'on a fait ou laissé faire. Et toute ma vie de citoyen, mais aussi toute ma vie de climatologue, c'était d'essayer de comprendre les différentes contributions au fait que la vie, c'est quelque chose d'à la fois extraordinaire, compliqué, et quand on veut comprendre, excessivement complexe. Et le côté extraordinaire pour moi, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure là. C'est vous prenez la Terre et puis vous la bougez de 5% d'un côté ou de l'autre. Et vous regardez physiquement ce que ça fait, un peu comme on regarde mécaniquement quelque chose. Mais la Terre, elle est vivante. Et quand on va la bouger un peu de 5%, il y a plein d'autres choses qui vont se passer et qui vont aller dans un sens ou dans l'autre, ce qu'on appelle des rétroactions positives ou négatives, et qui vont faire que... Et l'objet Terre, c'est un objet extrêmement compliqué. Et tout à l'heure, Étienne Klein, vous avez repris François Forger sur le fait qu'il parlait de la Terre comme si c'était un être vivant. La Terre n'est pas un être vivant. La Terre, c'est une somme de processus biologiques et physiques. Et il y avait un physicien qui s'appelait Lovelock, d'ailleurs plutôt un biologiste, qui avait cette hypothèse Gaïa que la Terre était un être vivant qui se défendait lui-même contre ses différentes agressions et qu'elle continuait à vivre. Mais il n'y a pas d'être vivant comme la Terre. La Terre, elle est vivante parce qu'on est dessus. Ça a été d'autres avant, ce sera encore d'autres après. Elle a de la vie telle qu'on la connaît pour des raisons qui sont des raisons physiques, c'est-à-dire la température, l'hydrologie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est fragile. Pas la Terre, hein, mais nous, les hommes, notre environnement. Parce que la Terre, elle en a vu d'autres, elle en verra d'autres, et elle terminera dans quelques milliards d'années comme une géante rouge. On sait tout ça. Le problème, c'est plutôt de bien gérer l'extraordinaire capital qu'on a. On vous sent quand même un peu inquiet pour l'an 3000. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors là, j'ai l'impression que depuis l'émission, on avance des connaissances, mais on tourne un peu autour du pot, pour ne pas dire autour du soleil. Et j'aimerais bien que chacun d'entre vous dise les raisons pour lesquelles il pense qu'on est seul dans l'univers ou qu'on n'est pas seul dans l'univers. Est-ce qu'il y a une vie ailleurs ou pas? Est-ce que la Terre est une planète vraiment exceptionnelle, unique? Ou est-ce que l'abondance d'exoplanètes qui sont découvertes laisse penser qu'on doit trouver de la vie ailleurs, à peu près dans les mêmes conditions. Qui commence? François Forget? Oui, alors, évidemment, c'est une question millénaire. À 100 balles. Et évidemment, je vais botter en touche. Alors, comme tout le ça, monde... Ça, pour être invité une prochaine fois? Volontiers. On n'a qu'une envie, c'est de se dire... on a parlé de centaines de milliards de planètes comme la Terre dans notre galaxie. Il y a des centaines de milliards de galaxies. On a envie de faire la statistique. On dit, c'est pas possible qu'on soit Mais tout seul. Est-ce que ça a un sens de calculer les probabilités? C'est ça qui est fascinant. Quand on fait les probabilités, on trouve du sens quand même. En tout cas, si on imagine qu'on est tout seul, c'est encore plus inquiétant que d'imaginer qu'on n'est pas tout seul. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que le vrai message, la raison pour laquelle j'ai envie de botter en touche, c'est-à-dire de garder le point d'interrogation à la fin de la question qui fait le titre de l'émission, « La Terre est-elle exceptionnelle ?», c'est parce que l'enquête progresse. En gros, cette enquête, c'est est-ce que on peut la décliner en trois étapes. Première étape, c'est est-ce qu'y a-t-il d'autres planètes comme la Terre autour des autres étoiles? Il y a 25 ans, on connaissait pas la réponse. Ça y est, on a la réponse. Grande révolution, on l'a démontré, ce qui est quand même extraordinaire. Deuxième étape, y a-t-il beaucoup parmi ces planètes? Y a-t-il beaucoup de planètes avec des océans qui recoulent la surface, qui sont donc propices à la vie telle qu'on peut l'imaginer? Et ça, on va mener cette enquête-là dans les années à venir grâce à une nouvelle génération de télescopes spatiaux. Et on va mieux comprendre la diversité, je dirais presque la zoologie, des différentes atmosphères, des différents environnements qu'il y a ailleurs. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Je suis sûr qu'on va être surpris et on va comprendre si, de ce point de vue-là, la Terre est exceptionnelle ou pas. Alors, j'ai pas envie de répondre maintenant. Dans 20 ans, si on fait l'émission, on aura vraiment beaucoup de réponses. Vous êtes sûr qu'on pourra répondre? L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Non, parce qu'on va juste enquêter sur la diversité des atmosphères, la diversité des environnements ailleurs, et on va enfin comprendre si le fait s'il y a des océans ou pas ailleurs, sur quelle durée, etc. On va comprendre ça. Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, et la troisième étape, c'est une fois, imaginons qu'on arrive à démontrer que les planètes couvertes d'océans sont abondantes dans notre galaxie. Extraordinaire. Eh bien, la troisième étape sera savoir si, lorsqu'on a un océan, est-ce que la vie démarre ou pas. Ce que j'évoquais tout à l'heure en début d'émission, on n'en sait rien. On ne comprend pas comment on passe du non-vivant au vivant. Eh bien, cette enquête-là, peut-être qu'on va d'abord la mener dans le système solaire. On va aller enquêter dans les roches profondes sur Mars, là où il y a des nappes aquifères, voir s'il y a encore de la vie. On va aller explorer les océans sous la glace de Europe, d'Encelade. Et si on trouve une nouvelle genèse, une nouvelle forme de vie, on saura que dès qu'il y a de la vie, la vie démarre. Si on trouve rien, la question restera posée. Donc, rendez-vous dans. Pour ce sujet particulier, malheureusement, j'ai peur ça. Pour la première étape, on a quand même le lancement du James Webb Space Telescope l'année prochaine, qui va nous permettre de vraiment détecter, de multiplier le nombre d'atmosphères que l'on connaît. Dans le système solaire, on n'en connaît pas beaucoup. On n'en connaît pas assez pour comprendre la diversité qu'il y a. Je dis souvent, Vénus, donc cette extraordinaire épaisse atmosphère de CO2, si on n'avait pas Vénus, on n'oserait pas l'imaginer, etc., etc. Donc maintenant, il faut quand on connaîtra 50 atmosphères et non pas simplement 4 ou 5 atmosphères telluriques, eh bien on comprendra beaucoup gagné, mieux comment si la Terre est exceptionnelle ou pas. Vous reviendrez l'année prochaine. Alice Moulissami. Alors, moi j'ai envie... Qu'est-ce que vous dites? J'ai envie de dire que j'espère qu'on ne trouvera jamais la réponse à cette question. Tout simplement parce que finalement, c'est la quête de la vie ailleurs que sur Terre. C'est un moteur puissant pour la science, mais pour un tas d'autres raisons, pour comprendre comment se forment les systèmes, comprendre la mécanique des atmosphères, comprendre l'histoire de la Terre elle-même. Et finalement, dans cette quête de la vie ailleurs, on comprend quelle est notre place aussi sur Terre, hein, quelles sont nos particularités et notre propre histoire. Et à la fois, c'est une quête scientifique du coup qui est extrêmement vaste. C'est aussi une quête de l'imaginaire très féconde. Et finalement, dans l'imaginaire de la société civile, l'hypothèse de l'existence de la Terre ailleurs, elle est presque évidente, elle est intuitive et son exploration, elle en dit beaucoup sur la critique de notre propre société, sur ce qu'on pourrait imaginer de meilleur. J'espère que Gilles Rammstein est d'accord avec tout cela parce qu'il n'a pas le temps de développer son point de vue. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord et j'aurais des choses à dire, mais ce sera pour une prochaine fois, peut-être. Je vous remercie. J'ai un petit anagramme à vous livrer. Quel est l'anagramme de qu'est-ce que la Terre devant ces vallées supérieures de pétillement d'étoiles? Ça va être dur, quand même. Réponse. Le vide quantique est et reste la source réelle de l'espace-temps et de l'univers. Ce sont exactement les mêmes lettres. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Claire Levasseur et à la réalisation le grand François Connac. de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.